travailler dans le corps, sans partir en courant, faire ton chemin, prendre le train, vivre à temps plein, respire un bon coup, bon sur les coups, sur le tout. De toute façon, on s'en fout, faut pas que tu fasses comme moi, prends ta voix, c'est pas la voix, la voix c'est ton choix. Mets pas du bon côté, faut pas te faire cogner, sans tout oublier, des badlocks, y'en a partout, man, qu'est-ce que tu veux. Quand je chante, je tape sa boque, de toute façon, on s'en fout, faut juste du kick dans la vie, sur tout ce qui chie, souris, puis applaudis. C'est toi l'artiste, y'a aucun rôle, faut pas que tu sois triste, faut que tu restes sa piste. Yeah, c'est pas ton public, tu vas rivaliser avec les dangers. Tu vas acquérir la technique, c'est comme un flic, hésite pas à peser sa clique. Clic, clic, boom, man. Yeah, pour défendre son cul, sinon il reste plus. Si t'es sûr de ce qui t'entoure, c'est que tu vis jour, c'est la nuit, man. Le bruit s'estompe, c'est tout ça qui compte. Faut pas que tu comptes sur moi, change de voix, man. C'est pas toi la voix, yeah. C'est juste ton choix, c'est le poids, man. Tu vas faire la différence, prends ta chance. Je vais me fucker, y'en a partout. Mais qui peuvent pas chier, peuvent pas s'en priver. C'est la rivalité, la réalité, c'est la moitié de ta vie. Tu chies pour ceux qui ont pas compris. C'est la nuit, man, que les rêves se réalisent. Désolé, il fallait que je le dise. Yeah, man, y'en a encore des qui font des coups bas. Des rats, ouais, c'est rien que des rats, t'as bien compris. C'est pas une tune d'espoir. Je fais confiance au pouvoir de mes paroles, parce que c'est ça mon rôle dans ma vie. J'ai trouvé ma voix, puis c'est pas les préjugés. J'ai bâti mon toit, parce que j'entends Dieu pleurer sur tout ce que m'a fait. Yeah, man, de toute façon, y'en a pas qui se font prier. Y'en a pas gros ici, man, qui vont pousser des cris. On est bien au Québec, c'est ici qu'on se respecte. C'est ici que j'ai ouvert mon mic. Gros, sur tout ce qui blow. Alors, man, sois fier, peu importe ce que tu perds, tu restes à terre, mon cher. Yeah, man. Reste optimiste, même si je risque beaucoup. Faut peut-être me casser le cou, le cou, ouais, sur le coup. On peut changer, suffit de se forcer, de penser, de rêver, puis de se le prouver. Personne n'a poigné dans le dos, c'est pour ça qu'on part tous au même niveau, qu'on est tous au même niveau. Puis je suis fier de chanter ce track-là, garde-la sur ton rack. C'est un honneur pour moi, tu me tiens à cœur. Yeah, j'ai compris, gros. Yo, ciao.